J'ai fait semblant de voir l'amour dans ton regard, mais je n'y vois que du silence. J'ai fait semblant d'avoir un impossible espoir, ce n'est qu'une illusion qui dansait. Je sais que tu t'en fous à tous nos rendez-vous, je vois venir l'indifférence. C'est la fin d'un amour, un souvenir déjà commencé. L'amour, c'est quoi? C'est une mélodie qui chante à l'âme parfaite. C'est te chercher toujours sans te trouver jamais. Ce n'est qu'un pas vers les regrets. L'amour, c'est quoi? Les tout petits espoirs qui font les grands chagrins. Un bien qui fait du mal, un mal qui fait du bien. L'amour c'est quoi? L'amour c'est toi. J'ai fait semblant de rire de tous mes souvenirs qui sont pour moi autant de larmes. Semblant de m'étourdir avec d'autres sourires, semblant de retrouver du charme. Mais tout au fond de moi, toujours la même voix. Parmi tous ces prénoms de femmes, toujours le même amour, le même effet, la même flamme. L'amour, c'est quoi? C'est une mélodie qui chante à l'âme parfaite. C'est te chercher toujours sans te trouver jamais. Ce n'est qu'un pas vers les regrets. L'amour, c'est quoi? Les tout petits espoirs qui font les grands chagrins. Un bien qui fait du mal, un mal qui fait du bien. L'amour c'est quoi? L'amour c'est toi.